En Lorraine, à Saint-Mihiel, dit un missionnaire, il y a plus de sang qui semble des squelettes couverts de peau, et si affreux que si notre Seigneur ne me fortifiait, je ne les oserais regarder. Ils ont la peau comme du marbre basané, et tellement retirée que les dents leur paraissent toutes sèches et découvertes, et les yeux et le visage tout renfrognés. Enfin, c'est la chose la plus épouvantable qui se puisse jamais voir. Toutes les classes participent à cette misère. Le noble compte parmi les pauvres honteux. Le curé s'attelle à une charrue pour remplacer le cheval qui manque. L'homme qui ne peut se plier à la honte de mendier son pain est trouvé mort sur sa couche pour n'avoir pas osé demander sa vie. Les orphelins sont abandonnés, les jeunes filles exposées à quelque chose de plus terrible que la mort, le déshonneur. Les unes sont près de succomber à l'effroyable tentation. D'autres se cachent dans des cavernes pour fuir la brutalité des soldats. Les églises sont pillées, les prêtres persécutés et dépouillés. En Lorraine, les soldats eux-mêmes, pressés par la faim et la maladie, sont couchés le long des routes et sur les grands chemins, sans assistance religieuse, sans consolation humaine. Pendant la Fronde, des masses d'émigrants arrivent à Paris et ajoutent le fardeau de leur misère au poids des calamités qui écrasent la ville. Tels furent les désastres dans lesquels la guerre étrangère et la guerre civile plongèrent quelques parties de la France. Mais au milieu de toutes ces calamités, une armée se lève, l'armée de la charité. Saint Vincent de Paul la commande, et les femmes marchent à l'avant-garde. Les dames de la charité de Paris donnent leur or. Elles quittent pour les provinces désolées. Saint Vincent de Paul et ses collaboratrices recueillent près d'1 600 000 livres qui sont distribués dans la Lorraine et jusque dans l'Artois, ravagés par la guerre. Pendant les malheurs amenés par la Fronde, ces nobles femmes envoient à la Champagne et à la Picardie plus de 16 000 livres par mois. L'imminence du danger provoquait les plus grands sacrifices, et les généreuses femmes, qui avaient eu à souffrir personnellement de la ruine générale, calculaient non leurs ressources, mais les misères qu'il fallait soulager. Leur présidente, la duchesse d'Aiguillon, qui avec mademoiselle de Lamoignon et madame de Hercé, la protectrice spéciale des pauvres soldats, a recueilli des sommes immenses pour les victimes de la guerre. La duchesse d'Aiguillon vend jusqu'à une partie de son argenterie. Madame de Miramion vend son collier de perles pour nourrir les pauvres de Paris. Elle leur fait distribuer plus de 2 000 potages par jour. Charité bien digne de la Sainte Femme, qui à Paris encore fera subsister les pauvres pendant les plus rigoureux hivers à qui l'on deva, en 1682, l'origine des fourneaux économiques. Le 11 février 1649, M. Vincent, éloigné de Paris, écrivait aux Dames de la Charité, dans une lettre récemment publiée, « De vérité, il me semble que les misères particulières vous dispensent du soin des publics, et que nous aurions un bon prétexte devant les hommes pour nous retirer de ce soin. » Mais certes, mesdames, je ne sais pas comment il en irait devant Dieu, lequel nous pourrait dire ce que saint Paul disait aux Corinthiens. Avez-vous encore résisté jusqu'au sang? Ou pour le moins, avez-vous encore vendu une partie des joyaux que vous avez? Que dis-je? Mesdames, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, et je crois le même de tant que vous y êtes, qui avez fait des charités, lesquelles seraient trouvées très grandes, non seulement en des personnes de votre condition, mais encore en des reines. En d'autres circonstances encore, les femmes se privent de leurs joyaux. Anne d'Autriche, qui a appelé saint Vincent de Paul dans ses conseils, Marie-Anne Martinzonzi, princesse de Conti, donne de tels exemples. Pour les provinces désolées, ses tors, ses perles se convertissaient en pain, en vêtements, en médicaments, en outils même. Les maisons des dames de la charité étaient devenues d'immenses magasins. En soulageant les misères de l'heure actuelle, on prévoyait l'avenir. On donnait aux laboureurs du grain, des haches, des serpes, des faucilles, aux paysannes du chanvre, des rouets. On recueillait les orphelins. On leur enseignait un état. Les jeunes filles étaient préservées du déshonneur dans les pieux abris qui s'ouvraient à elles. Les pauvres honteux recevaient avec des secours les hommages de respect qui leur rendaient moins amer le pain de l'aumône. Les églises et leurs pasteurs étaient secourus. Les femmes dont nous énumérons les bienfaits et qui composaient ce qu'on appelait l'Assemblée générale des Dames de la Charité, formaient comme un conseil supérieur, chargé de recueillir, de centraliser et de répartir les dons de la charité. Ce n'était cependant pas dans ce but que l'Assemblée générale avait été instituée. Au début de sa carrière, quand saint Vincent de Paul évangélisait les campagnes par ses missions dont sa première collaboratrice, Madame de Gondi, avait inspiré la fondation, il avait établi dans les campagnes des confréries de la charité, composées de femmes qui allaient assister spirituellement et corporellement les pauvres malades. L'œuvre se propagea de 1629 à 1631, s'établit dans presque toutes les paroisses de Paris et des faubourgs. La mission de ces confréries était toute paroissiale. Une femme de bien, la présidente Gousseau, eut la pensée de créer une compagnie de dames qui aurait spécialement le soin des malades de l'Hôtel Dieu. Elle soumit le projet de cette création à M. Vincent, qui l'agréa. Les plus grandes dames de France se firent gloire d'appartenir à cette association. Saignant un tablier, les nobles infirmières allaient porter aux femmes malades des secours, des consolations, des enseignements, et leur donnaient avec affection le nom de sœurs. Ce fut ainsi que se constitua l'Assemblée générale des Dames de la Charité. Plus tard, elle agrandit sa mission. Nous l'avons vu se charger de l'assistance des provinces désolées, que ses bienfaits sauvèrent. À l'Assemblée générale et extraordinaire qui se tint au Petit Luxembourg, chez la Duchesse d'Aiguillon, le 11 juillet 1657, saint Vincent de Paul rendit un éclatant hommage à ses dévouées collaboratrices. « C'est une chose presque sans exemple, dit-il, que des dames s'assemblent pour assister des provinces réduites à l'extrême nécessité, en y envoyant de grandes sommes d'argent et de quoi nourrir et vêtir une infinité de pauvres de toutes conditions, de tout âge et de tout sexe. On ne lit point qu'il y ait jamais eu de telles personnes à associer qui, d'office comme vous, mesdames, aient fait quelque chose de semblable. Les attributions de l'Assemblée de Charité s'étendent de plus en plus. À la visite de l'Hôtel Dieu, à l'assistance des provinces désolées, se joignent d'autres charges. La charité et le patriotisme s'unissaient, dont les bienfaits que les dames de la charité répandaient sur les victimes de la guerre et des fléaux qui l'avaient suivi. Le patriotisme trouve aussi son compte dans l'œuvre apostolique qu'elles accomplissent en favorisant les missions étrangères qui vont porter au loin, avec la connaissance de l'Évangile, le nom de la France. La Duchesse d'Aiguillon est là encore au premier rang, et ses principales collaboratrices sont Madame de Miramion, Madame de Lamoignon. Madame d'Aiguillon a une grande part à la fondation du séminaire des missions étrangères. La Duchesse crée des missions dans l'Extrême-Orient, un séminaire à Siam. Elle achète les consulats de Tunis et d'Alger. Elle suscite la fondation d'un hôpital dans cette dernière ville pour y recueillir les Français malades et abandonnés. Enfin, reprenant la pensée d'une autre femme de grand cœur, Madame de Guercheville, elle établit une colonie française et catholique au Canada. Ce dernier écrivain nomme une humble cabaretière, Marie Rousseau, qui seconda la Duchesse d'Aiguillon dans la fondation de cette colonie. Cette nouvelle France qui aujourd'hui garde plus que jamais à la mère patrie malheureuse un amour dévoué, enthousiaste, chevaleresque. Voilà ce que les femmes du XVIIe siècle ont fait pour le salut des provinces dévastées, pour la grandeur de la France et la gloire de l'Église. Leurs bienfaits ne s'arrêtent pas là. Saint Vincent avait fondé un hôpital pour les pauvres vieillards. Les dames de la charité, notamment la Duchesse d'Aiguillon, le pressèrent de donner plus d'extension à cette œuvre. Devant les 40 000 mendiants qui à Paris peuplaient 11 cours de miracles, il fallait un immense dépôt de mendicité. Ce fut saint Vincent qui eut à modérer ici le zèle de ses collaboratrices, mais il ne refusa pas ses conseils à la Duchesse d'Aiguillon, qui fonda la Salpêtrière, avec le concours de la reine, de Mazarin et des princesses. À un moment où les ressources manquèrent à l'hôpital, Madame de Miramion, âgée, malade, quitta plus de 50 000 francs en un mois pour soutenir cette création. Comme le vieillard délaissé, l'enfant abandonné a rencontré dans les dames de la charité des mères tendres et secourables. Est-il nécessaire de rappeler le triste sort de ces enfants trouvés que l'on déposait à la couche, ce hideux local de la rue Saint-Landry, où une veuve assistée d'une ou de deux servantes recevait ces pauvres petits êtres? Il ne se passait guère de jour que l'on en recueillit un. Les ressources manquaient pour donner des nourrices à ces enfants. Les uns mouraient de faim, d'autres étaient tués par des soporifiques que les servantes leur faisaient prendre pour se débarrasser de leurs cris en les endormant. Ceux qui échappaient à ce danger étaient ou donnés à qui les venait demander, ou vendus à si vil prix qu'il n'y en eût pour lesquels on n'a payé que 20 sous. On les achetait ainsi, parfois pour leur faire téter des femmes gâtées, dont le lait corrompu les faisait mourir, d'autres fois pour servir au mauvais dessein de quelques personnes qui supposaient des enfants dans les familles, et on a su qu'on en avait acheté, ce qui fait horreur, pour servir à des opérations magiques et diaboliques, de sorte qu'il semblait que ces pauvres innocents fussent tous condamnés à la mort, ou à quelque chose de pire, n'y ayant pas un seul qui échappât à ce malheur, parce qu'il n'y avait personne qui prît soin de leur conservation. Et ce qui est encore plus déplorable, plusieurs mouraient sans baptême, cette veuve ayant avoué qu'elle n'en avait jamais baptisé, ni fait baptiser aucun. Ainsi parle un compagnon de la vie apostolique du saint. Et celui-ci même racontait que depuis 50 ans, on n'avait pas entendu dire qu'un seul enfant trouvé eût vécu. Témoin de cette navrante misère, saint Vincent l'expose aux dames de charité, établies sur la paroisse de Saint-Nicolas du Chardonnay, la première de ses confréries qui se fut formée à Paris. Il savait bien, cet homme évangélique, que pour aimer et secourir l'enfance malheureuse, toute femme sent tressaillir en elle un cœur de mère. Les généreuses chrétiennes à qui saint Vincent faisait appel ne purent d'abord sauver qu'une douzaine de ces pauvres innocents, bien plus à plaindre que ceux qu'Hérode fit massacrer. Il fallut les tirer au sort. 1638. Les associées du bon saint augmentent peu à peu le nombre de leurs enfants d'adoption. Elles essayent eux-mêmes de les sauver tous. Puis, un jour, les ressources manquent. C'est alors que dans une assemblée générale tenue vers 1648, a lieu cette scène incomparable qui a été tant de fois retracée et que, néanmoins, je me garderai bien de ne point placer ici parmi les plus beaux titres d'honneur de la femme française. Saint Vincent de Paul, mis en délibération si la compagnie devait cesser, ou bien continuer à prendre soin de la nourriture de ses enfants, étant en sa liberté de s'en décharger, puisqu'elle n'avait point d'autre obligation à cette bonne œuvre que celle d'une simple charité. Il leur proposa les raisons qui pouvaient les dissuader ou persuader. Il leur fit voir que jusqu'alors, par leurs charitables soins, elles en avaient fait vivre jusqu'à 500 ou 600, qui fussent morts sans leur assistance, dont plusieurs apprenaient métier, et d'autres étaient en état d'en apprendre. Que par leurs moyens, tous ces pauvres enfants, en apprenant à parler, avaient appris à connaître et à servir Dieu. Que de ces commencements, elles pouvaient inférer quelle serait à l'avenir la suite de leur charité. Et puis, élevant un peu la voix, il conclut avec ces paroles. « Orsus, mesdames, la compassion et la charité vous ont fait adopter ces petites créatures pour vos enfants. Vous avez été leur mère selon la grâce, depuis que leur mère selon la nature les ont abandonnées. Voyez maintenant si vous voulez aussi les abandonner. Cessez d'être leur mère pour devenir à présent leur juge. Leur vie et leur mort sont entre vos mains. Je m'en vais prendre les voix et les suffrages. Il est temps de prononcer leur arrêt et de savoir si vous ne voulez plus avoir de miséricorde pour eux. Ils vivront si vous continuez d'en prendre un charitable soin, et au contraire, ils mourront et périront infailliblement si vous les abandonnez. L'expérience ne vous permet pas d'en douter. » L'émotion qui vibrait dans la voix du saint faisait assez connaître quel était son sentiment. La sentence des juges ne pouvait se traduire que par des larmes, et par les plus généreux sacrifices. L'œuvre des enfants trouvés était définitivement fondée. Collectivement ou isolément, les femmes s'associent à toutes les œuvres de saint Vincent de Paul. Elles assistent les galériens, dont leur guide a soulagé les tortures physiques et les misères morales. Avant même qu'il y eût des dames de la charité, Madame de Gondy s'était occupée de faire évangéliser les galériens par M. Vincent et ses missionnaires. Plus tard, la duchesse d'Aiguillon, qui fait donner à notre saint l'aumônerie générale des galères, obtient de son oncle, le cardinal de Richelieu, la fondation d'un hôpital pour les galériens à Marseille, et y contribue par sa munificence. Les premières protectrices des enfants trouvés, les dames de la charité de Saint-Nicolas du Chardonnay, concourent aussi à cette œuvre. Ce sont elles encore qui visitent dans leurs infectes et sépulcrales prisons les galériens de Paris. Madame de Miramion suit cet exemple. Elle porte aux prisonniers des secours, des consolations, de douces paroles de relèvement. Madame de Meignelay, sœur de Monsieur de Gondy, visite aussi les galériens et assiste jusqu'aux condamnés à mort. Madame de Meignelay fonde une maison de filles repenties sous le vocable de Sainte Madeleine, la grande pécheresse rachetée par l'amour divin. Les établissements de ce genre n'étaient pas nouveaux, mais plus que jamais, il devenait nécessaire à une époque où, comme nous le disions plus haut, la licence régnait dans les villes, qui étaient devenues des camps. Madame de Miramion, animée de l'esprit de Saint-Vincent, fonde une maison analogue, mais elle lui donne une grande extension. Elle crée le refuge de la Pitié pour les femmes de mauvaise vie, que l'autorité y fait enfermer de force, et le refuge de Sainte-Pélagie, pour les femmes repentantes, qui, de leur propre mouvement, viennent y mener une vie de pénitence. Pour sauver ses âmes malades, Madame de Miramion avait le suprême remède, la miséricordieuse tendresse du bon pasteur, qui ramène sur son épaule la brebis égarée. La Pitié et Sainte-Pélagie deviennent des établissements publics. Pour les fonder, Madame de Miramion avait rencontré parmi ses appuis le grand cœur de Madame d'Aiguillon. Nous savons ce que Madame de Miramion avait fait pour l'instruction primaire des enfants du peuple et aussi pour leur instruction professionnelle. Sous ce dernier rapport, les dames de la charité ont aussi mérité nos hommages, elles qui faisaient apprendre un état à leurs chers enfants trouvés. Le rôle des femmes du monde est immense au XVIIe siècle dans les œuvres du bien. Quel résultat que ceci ! Le salut des provinces ruiné, la régénération des campagnes par les missions à l'intérieur, l'évangélisation des contrées lointaines avec l'extension de l'influence française, le soulagement des malades, l'assistance des pauvres et surtout des vieillards, l'instruction primaire et professionnelle des enfants du peuple, l'enfance exercée au devoir en même temps qu'au travail, la jeune fille préservée du vice, la pécheresse ramenée au bien, le forçat lui-même, obligé de bénir dans la main qui le secourt et dans le cœur qui le plaint, la vertu efficace de la sublime religion, que rien, quoi qu'on fasse, ne sera jamais remplacé pour inspirer de tels actes. Cette inspiration chrétienne avait eu ici à son service la force que donne l'association. C'était là l'un des rares bienfaits produits par la transformation sociale qui avait amené les familles nobles à Paris. Naguère, la charité, avait été surtout une action individuelle. Elle devenait désormais une puissance sociale. Mais si, dans les circonstances exceptionnelles, comme le désastre de quelques provinces, il fallait le concours de cette grande charité sociale, nous n'en regretterons pas moins que dans les circonstances normales de la vie, les châtelaines aient trop souvent privé leurs paysans de la protection maternelle, qui était le doux apanage de leurs aïeuls. Sans parler, bien entendu, des émigrations forcées que provoqua la ruine de trois provinces. Paris ne serait pas devenu le refuge de tous les misérables si, comme au Moyen-Âge, ceux-ci avaient trouvé dans le pays natal les secours de leur seigneur. Les œuvres de Saint-Vincent de Paul, ces œuvres auxquelles les femmes du XVIIe siècle donnaient une impulsion vigoureuse, n'auraient pas été possibles si pour les accomplir il n'y avait eu, avec les vaillants prêtres de la mission, ces admirables femmes, dont je vais enfin prononcer le nom, les sœurs de la charité, les filles de Saint-Vincent. Leur ordre était né des confréries mêmes de la charité. Lorsque ces confréries s'étaient répandues à Paris et que des femmes de condition s'y étaient enroulées, celles-ci avaient bien le zèle généreux, le dévouement qui ne calcule pas, mais leurs devoirs domestiques et sociaux ne leur permettaient pas de veiller assidûment les malades. Ce fut alors que l'on proposa à M. Vincent de consacrer spécialement, au service des pauvres malades, de pieuses filles de la campagne, qui avec toute la charité de leur cœur et toute la vigueur de leur force physique se dévoueraient à Jésus-Christ dans les êtres souffrants. L'active promotrice des confréries de la charité, Madame Legras, fut l'institutrice de ces saintes filles, qui vénèrent en elles et dans Saint-Vincent de Paul les fondateurs de leur ordre. La maison fut la première communauté des filles de la charité. Leurs premières bienfaitrices furent Mademoiselle Lamy, fille d'un administrateur de l'hôpital général, et Madame de Miramion. Et comme le nom de la duchesse d'Aiguillon était destiné à être revendiqué par toutes les grandes œuvres du XVIIe siècle, ce fut encore la prière de la noble duchesse que l'archevêque de Paris accorda aux sœurs de la charité le privilège nécessaire pour que leur association fût érigée en communauté. Obligées d'aller à la recherche de toutes les misères, les filles de la charité ne pouvaient mener la vie claustrale de ces saintes carmélites, qui, introduites en France par Madame Acari, offraient aux âmes contemplatives ou aux cœurs blessés de la vie leur inviolable asile de paix, de prière et de pénitence. Les sœurs de la charité ne pouvaient être et n'étaient pas des religieuses. Dans la règle qu'il leur donna, Saint Vincent de Paul disait « Elles considéreront encore qu'elles ne soient pas dans une religion, cet état n'étant pas convenable aux emplois de leur vocation, néanmoins parce qu'elles sont beaucoup plus exposées que les religieuses cloîtrées et grillées, n'ayant pour monastère que les maisons des malades, pour cellules quelques pauvres chambres, et bien souvent de louages, pour chapelle l'église paroissiale, pour cloître les rues de la ville, pour clôture l'obéissance, pour grille la crainte de Dieu, et pour voile la sainte modestie. Pour toutes ces considérations, elles doivent avoir autant ou plus de vertu que si elles étaient professes dans un ordre religieux. Ces pieuses filles deviennent les ministres de l'Assemblée générale des Dames de la Charité. À elles l'assistance spirituelle et corporelle du malade, soit dans le logis de la misère, soit à l'hôpital. À elles la maternité de l'enfant trouvé et du vieillard délaissé. À elles l'éducation des enfants du peuple. Elles pansent les plaies morales comme les plaies physiques. La plus hideuse lèpre de l'âme ou du corps les attire au lieu de les repousser. Elles soignent les pestiférés, et les galériens les voient se pencher sur eux dans leurs blanches auréoles, comme des anges qui apparaîtraient aux damnés au milieu des supplices de l'enfer. Dans les calamités publiques, elles sont là. Ce sont elles qui, à Paris, pendant la Fronde, distribuent aux pauvres, aux réfugiés, la nourriture quotidienne. Le 21 juin 1652, saint Vincent de Paul écrit à ses propos des charges qui pèsent sur sa famille spirituelle. Les pauvres filles de la charité y ont plus de la part que nous, quant à l'assistance corporelle des pauvres. Elles font des distributions de potage tous les jours, chez Mademoiselle Legras, à 1300 pauvres honteux, et dans le faubourg Saint-Denis, à 800 réfugiés, et dans la seule paroisse de Saint-Paul, 4 ou 5 de ses filles en donnent à 5000 pauvres, outre 60 ou 80 malades qu'elles ont sur les bras. Il y en a d'autres qui font ailleurs la même chose. Deux jours après, soit que M. Vincent ait été plus amplement informé, soit que le nombre des pauvres assistés se soit accru, c'est à 8000 de ces malheureux que les sœurs de la paroisse de Saint-Paul donnent la nourriture. Ainsi que les prêtres de la mission, elles tombent victimes de leur chrétienne et patriotique charité. À Rethel, à Calais, on les verra se dévouer aux soldats blessés ou malades. À l'hôpital de Calais, 4 filles de la charité ont la charge de 500 ou 600 militaires. Elles succombent à la tâche. Toutes sont malades. 2 d'entre elles meurent. En les recommandant aux prières de ces missionnaires, leurs dignes frères d'armes, M. Vincent disait « La reine nous a fait l'honneur de nous écrire pour nous demander d'en envoyer d'autres à Calais, afin d'assister ces pauvres soldats. Et voilà que 400 vont partir aujourd'hui pour cela. Une d'entre elles, âgée d'environ 50 ans, me vint trouver vendredi dernier à l'Hôtel Dieu, où j'étais pour me dire qu'elle avait appris que 2 de ses sœurs étaient mortes à Calais, et qu'elle venait s'offrir à moi pour y être envoyée à leur place, si je le trouvais bon. » Je lui dis « Ma sœur, j'y penserai ». Et hier, elle vint ici pour savoir la réponse que j'avais à lui faire. Voyez, messieurs et mes frères, le courage de ces filles à s'offrir de la sorte et s'offrir d'aller exposer leur vie comme des victimes pour l'amour de Jésus-Christ et le bien du prochain. Cela n'est-il pas admirable? Pour moi, je ne sais que dire à cela, sinon que ces filles seront mes juges au jour du jugement. Oui, elles seront nos juges si nous ne sommes disposés comme elles à exposer nos vies pour Dieu. Pour rendre hommage à de tels actes, la parole d'ordinaire si simple de l'apôtre a des accents où vibre un religieux enthousiasme. Et c'est justice que dans l'enivrement du combat, le drapeau du régiment échappe à une main mourante, nous comprenons l'ardeur avec laquelle des bras généreux s'étendent pour soutenir le symbole de l'honneur français. Mais que dans un hôpital, la place des héroïques victimes de l'épidémie soit revendiquée comme un poste d'honneur, c'est là un de ces fêtes sublimes que nous offrent souvent les annales des filles de Saint-Vincent. Et qui atteste que dans la vaillante race des femmes françaises, la sœur de charité a plus que le courage du soldat, la vocation du martyr.